Je suis sur une route de montagne comportant trois voies à double sens de circulation. Le créneau de dépassement se fait dans mon sens. En effet, cette ligne continue interdit aux usagers venant en face de la franchir. Bien que j'approche d'un virage, je peux continuer le dépassement, la ligne discontinue m'y autorise. Cela n'empêche pas de rester sur ses gardes. Réponse A.